L'ours et la carotte. Une émission d'environnement proposée par Nicolas Saint-Martin et Claire Keirouga. Jean-Michel Antxordoki, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire d'une petite commune, Bidarraï, basée au Pays Basque, dans les Pyrénées Basques. Oui, Bidarraï, à 40 km de Bayonne-Anglet-Biarritz. Voilà, on est un peu à l'intérieur. C'est un petit village de 700 habitants, majoritairement agricole, et qu'on essaie de préserver le plus possible. Alors, vous êtes intéressé par les questions d'environnement. Vous êtes sur un territoire qui est classé en territoire à énergie positive. C'est quoi ça? Oui, tout à fait. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'énergie. On peut créer plein d'énergie à base de plein de choses. Donc, on est dans ces énergies positives. Et nous, notamment, on travaille sur la châtaigne du Pays Basque. Voilà, on s'est regroupé. Là, il y a un an à peu près, on s'est regroupé 5 communes un peu voisines autour du Mont Baïgoula. On s'est regroupé pour essayer de dynamiser la châtaigne basque, la châtaigne qui avait été plantée il y a 200 ou même voire 300 ans par des agriculteurs du Pays Basque et qui était un peu laissée à l'abandon. Donc on essaie de revitaliser cette châtaigne, de redonner une dynamique autour de cette châtaigne. Alors parce que dans une vallée comme ici, donc on est dans la vallée des Aldudes, donc finalement assez proche de Saint-Jean-Pied-de-Port, un des passages très connus des chemins de Saint-Jacques, juste avant le passage vers l'Espagne, en fait, en traversant les Pyrénées. Et du coup, ici, en termes d'emploi, quelle est l'activité? C'est principalement l'agriculture encore aujourd'hui? Alors, effectivement, il y a beaucoup d'agriculture. Ici aussi, elle est un petit peu en déperdition, mais il y a quand même de la demande de jeunes qui veulent s'installer, tout ça, avec maintenant des agricultures un peu diversifiées. Voilà, ils veulent s'installer avec du maraîchage. Il y a aussi pas mal d'apiculteurs, des fleurs, une agriculture un peu diversifiée, quoi, comme j'ai déjà dit. Voilà. Et du coup, il y a aussi nous, on veut promouvoir la châtaigne parce qu'on trouve que la châtaigne, ça peut être... il y a déjà beaucoup de choses de faites sur la châtaigne parce qu'il y a des énormes plantations de châtaigneraies déjà qui existent. Donc, on trouve que c'est important de repartir de l'existant et aussi, bien sûr, aider à replanter parce qu'il faut penser à l'avenir aussi. Alors du coup, il y a un collectif qui s'est monté, une association pour relancer l'exploitation de ces châtaigniers qui sont présents. Donc effectivement, on s'est rejoint avec 5 communes autour du Mont Baïgoula, comme je disais tout à l'heure. 5 communes, donc Makaï, Mendiant, Ellette, Loussoua et Bidarraï, pour essayer de promouvoir cette châtaigne, donc redynamiser les châtaigneraies existantes, donner envie aux agriculteurs et aux propriétaires de ces châtaigneraies de re-ramasser ces châtaignes, de commercialiser et de pouvoir les transformer, ou en tout cas, s'ils peuvent pas eux-mêmes, de pouvoir donner la chance à quelqu'un d'autre de les transformer, parce qu'aujourd'hui, c'est une vraie valeur ajoutée qu'on a dans ces forêts, donc qui permettrait de donner un revenu supplémentaire à nos petites exploitations agricoles, un revenu diversifié, voilà, ça peut être un travail saisonnier, et ça permet aussi, bien sûr, il y a quelques années, on a beaucoup défriché sur nos montagnes, on travaille beaucoup sur l'environnement aussi, on parle beaucoup d'éco-buage aujourd'hui, c'est vrai que pour entretenir nos montagnes, il y a beaucoup d'agriculteurs qui écobuent, ça permettrait peut-être aussi d'éviter d'écobuer avec des plantations. Voilà. On est en zone montagne où il pleut pas mal, où la végétation pousse. Ces zones intermédiaires qui ne sont plus utilisées par les troupeaux de brebis, par même les vaches qui à l'époque pacagaient sur ces zones intermédiaires, elles sont un peu abandonnées. Donc on travaille pour essayer de revaloriser ces zones intermédiaires. D'accord. Alors l'éco-buage, c'est vrai qu'il fait grand débat. Hein. C'est une pratique ancestrale qui est pratiquée dans les Pyrénées et ici notamment au Pays Basque. C'est donc brûler les fougères principalement, c'est ça? Alors c'est brûler, c'est nettoyer ces zones intermédiaires qu'on n'utilise plus. Donc à l'époque, les gens ils faisaient de la fougère sur ces zones-là parce que voilà, c'était accessible, en tout cas avec les vaches comme ça. Aujourd'hui, avec les tracteurs et tout ça, souvent c'est pas accessible, c'est pas mécanisable. Donc, on brûle ces zones pour les nettoyer et pour essayer de les entretenir. Mais bon, on pense qu'il y a d'autres moyens d'entretenir ces zones intermédiaires par de la plantation et d'autres systèmes d'utilisation, de redonner une valeur à ces zones intermédiaires. D'abord, il y a une définition de la châtaigneraie, l'aire géographique, le type de sujet, les modes de plantation, l'identification des produits issus de la récolte par un logo. Il y a le volet arboriculture, c'est des vergers en fait. On parle de châtaigneraie, mais en fait c'est des vergers, c'est des arbres qui s'entretiennent. C'est comme un verger de pommier ou voilà, c'est vraiment ou une vigne, ça s'entretient, ça s'élague. Il faut nettoyer le dessous des châtaigniers. Tout ça, c'est notre travail, redonner envie de refaire ça aux agriculteurs, quoi, parce que c'est important d'entretenir ces vergers. Validation des parcelles, variété, état sanitaire, études de remise en production avec de la clôture, du nettoyage, des accès. Bien sûr, il n'y a pas de produits phytosanitaires dans ces châtaigneraies parce que c'est un produit 100% naturel. Il y a des vergers en création, identification des parcelles, des analyses de sol, utilisation des plants et sélection des variétés selon pratiques locales, validation par l'association, études de plantation pour optimiser la récolte selon déclivité et accès. Volet récolte, identification des parcelles, technique de récolte, filet ou manuel, traitement, récolte, flottage, calibrage, stockage. Stockage sans produits de conservation ou désinfectisation, valorisation des bogues et feuilles. Donc ça, en fait, c'est finalement dans cette charte, vous avez défini un peu, parce qu'effectivement, donc, par exemple, la récolte sur autrui, ça veut dire aller récolter sur des terrains qui ne le sont plus, mais qui ne nous appartiennent pas. Il y a peut-être des abus possibles, donc faire attention à ce genre de choses. Finalement, cette charte, elle permet de se mettre d'accord sur comment on va revaloriser nos châtaignes. Exactement, il peut y avoir des propriétaires qui ne sont pas intéressés par exploiter leurs châtaignes, donc il faut un accord du propriétaire, il faut que le locataire se mette bien en page avec cette charte. Elle permet donc d'exploiter des terres qui ne lui appartiennent pas, d'exploiter des terres d'un autre propriétaire avec l'accord du propriétaire et de quand même bien suivre le règlement de la charte. Ça, c'est très important. Et on est resté aussi pour l'instant sur une petite zone. On est parti sur ces 5 communes avec lesquelles on a l'habitude de travailler sur la montagne parce qu'on veut démarrer doucement, on ne veut pas aller trop vite et surtout, on veut aussi s'élargir après parce qu'il n'y a pas de châtaignes que ici sur ces 5 communes. Il y a d'autres en sous. Aux Aldudes et même sur Souraille et tout ça, il y a des châtaignes et des châtaigneraies, mais on veut justement essayer de maîtriser dès le départ, ne pas s'étaler partout. Alors vous, en tant que maire de cette commune de Bidarail, monsieur Anchor Doki, vous avez été contacté, c'est pas vous qui êtes à l'initiative, mais vous avez quand même soutenu et finalement impulsé ça au niveau politique. Oui, tout à fait. On a impulsé ça au niveau politique. On a eu la chance d'avoir un monsieur Itoitz, donc un transformateur de châtaignes qui est venu s'installer dans le coin. Donc c'est lui qui nous a donné aussi quelque part envie de redynamiser ces châtaigneraies. Et du coup, on a fait un dossier au niveau de la communauté d'agglomération aussi pour pour demander des aides financières. Donc on a demandé qu'il participe par rapport à l'embauche d'une stagiaire qui va nous aider à élaborer et à avancer sur cette charte et à élaborer tout un travail de confiance qui doit se faire avec les propriétaires et les agriculteurs. Donc vous avez été soutenu au niveau de l'agglomération Pays Basque parce que donc vous êtes sur un territoire très rural mais qui vient de connaître un changement administratif assez important. Comment ça se passe pour un maire d'une petite commune comme vous, dans sa vallée des Aldudes pyrénéennes, le lien avec les autres villes plus grosses, donc Bayonne notamment, et les élus dans une des, je crois, la plus grosse agglo, mis à part les grandes villes de France? Mais aujourd'hui, c'est vrai que les petites communes essayent de travailler avec les grandes communes comme Bayonne, Anglet, Biarritz. Mais des fois, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce qu'eux, ils ont bien sûr tous les techniciens, tout ça qui sont mis en place. Nous, on n'a pas tout ce personnel dans ces petites communes. Donc, c'est vrai qu'on doit se battre pour défendre notre territoire. Mais quand même, il y a quand même du personnel on est en train de mettre, la communauté d'agglomération est en train de mettre mettre des techniciens et du personnel à disposition des petites communes, justement, pour pouvoir travailler tous ensemble et ramener les projets des petites communes vers les grandes communes. Je pense qu'on a besoin des grandes communes, mais eux aussi, ils ont besoin de toutes nos idées et nos productions, parce que c'est la terre qui alimente la ville quand même au départ. Surtout au Pays Basque où on a gardé, où ici, il y a toujours une agriculture paysanne très forte. Effectivement, il y a une agriculture paysanne très forte, et je dirais même qui était peut-être un peu en déperdition, mais qui est en train de se redynamiser. C'est vrai que c'est important. Je pense que la population de la ville aussi permet cette redynamisation, parce qu'il faut produire, mais après, il faut vendre aussi. Donc, l'un va avec l'autre, quelque part. Voilà, donc les consommateurs des grandes villes sont très importants pour une économie locale comme la vôtre, pour finalement acheter vos châtaignes. Alors, on a noté du coup quand même un changement dans les comportements alimentaires. Hein. On ne mange pas autant de châtaignes qu'avant. Il y a peut-être aussi un aspect culinaire, enfin voilà, redévelopper une nouvelle saveur. Moi, je ne suis pas cuisinier, mais les grands cuisiniers, ils sont en train de travailler sur tout ça. Maintenant, ils reviennent un peu à ces cuisines traditionnelles, travailler avec la châtaigne. Il y a plein de produits à base de châtaigne qui se font, des gâteaux, des pâtisseries, des plats, même il y a des cassoulets à base de châtaigne. Donc, il y a quand même plein de choses à faire avec notre environnement qui est très riche. Je pense qu'on habite un Pays basque qui est très riche en produits naturels qu'on a un peu laissé de côté. Alors ici, on est sur un territoire quand même plutôt dans un haut de vallée. Quand on continue, on arrive tout en haut des Pyrénées et après on passe le col et on va vers les Pyrénées espagnoles, vers le Pays basque espagnol. Et du coup, c'est quand même une vallée qui a toujours été très autonome au niveau alimentaire. Donc finalement, revaloriser la châtaigne dans votre vallée et dans votre petit village de Bidarraï, c'est retrouver un peu de cette autonomie. Tout à fait, c'est retrouver une autonomie qu'ont connu nos parents et nos grands-parents. Et parce qu'avant, c'est vrai que la châtaigne nourrissait quand même beaucoup les familles. C'était l'aliment premier de l'hiver. Mais ça se conservait aussi très bien. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a... tout le monde dit que la conservation de la châtaigne, elle est plus compliquée, parce que maintenant, dans les maisons, c'est vrai qu'il y a du chauffage, elles sont isolées. Mais il y a quand même des moyens aujourd'hui aussi, avec les chambres froides, les congélateurs aussi, de conserver très très bien la châtaigne. Donc c'est pas ça qui doit freiner la culture de la châtaigne. Thank you. machine, moi. Hein ? On est en plein travail, on est en plein... une fois la châtaigne nettoyée, voilà, on est en train d'enlever la deuxième peau des châtaignes sèches avant de les passer au moulin. Voilà, le travail de titan, de diamantaire, comme je dis, presque, gratter tout ça à la main pour enlever cette deuxième peau qui nous cause tant de soucis dans la châtaigne. Alors il y a plusieurs phases, il y a la phase de tri, fil ou fait, c'est-à-dire on met dans des bacs d'hiver des châtaignes qui ont été dépiquées, donc, c'est-à-dire on a enlevé la première peau. Donc, il y a bien sûr des châtaignes qui sortent parfaitement sans aucune deuxième peau, donc qui finissent dans un bac. Le deuxième bac, c'est celle où il n'y a pas trop de deuxième peau, donc celle que je suis en train de nettoyer. Et ensuite vient la phase de grattage, c'est-à-dire que ce que Chantal fait, c'est bien sûr un grattage traditionnel au couteau, puisqu'il y a pas de, il y a des choses qui sont un peu plus faciles, donc elle les passe elle avec un couteau. Et moi, je suis le diamantaire, c'est-à-dire que j'ai une machine comme une fraise de dentiste, et j'enlève cette deuxième peau avec une fraise, et je gratte tout ça, et on obtient ces magnifiques châtaignons tout jaunes, dorés, voilà, qui vont passer au moulin. Un travail qui amène une châtaigne sans aucune deuxième peau pour faire une farine, pour faire une matière sèche en tout cas, pour faire de la farine et de la semoule qui passe au moulin, de très très très très haut de gamme, puisqu'elle est dépourvue de la deuxième peau. Et bien évidemment, on a le fruit dans... Le fruit par excellence, et les farines qui en sortent sont des farines, on va dire, de peu de concurrence. Voilà. Ce qu'il faut voir, c'est valoriser le travail, c'est valoriser d'avoir le fruit, depuis son ramassage jusqu'à sa transformation définitive. C'est la valorisation de chaque étape. Chaque étape a besoin d'être valorisée, tant au niveau du ramassage, la sélection du fruit, la qualité du fruit même issu de ramassage, mais également la valorisation liée à sa transformation, séchage, et grattage, et nettoyage, et pelage, etc. Donc, nous, on a pris le choix, avec notre toute petite quantité au Pays Basque, d'amener ces farines dans l'excellence. Et nous avons atteint, bien sûr, des qualités de farine, tant au niveau granulométrique que couleur, que déshydratation, que humidité résiduelle, saveur, etc. Mais en toute petite quantité, on a atteint, on va dire, des niveaux que je peux dire tout à fait honnêtement que peu de gens atteignent dans la châtaigne. Voilà. On a une valeur ajoutée liée à la main de l'homme, à son travail, à cette manufacture qu'on espère et qui est en train de trouver sa place tout doucement déjà localement, et puis petit à petit on va faire un peu tache d'huile avec notre très belle châtaigne et notre très belle transformation. Voilà. Donc là, c'est les châtaignes qui ont été séchées dans le four. Enfin, c'est un four, c'est un séchoir juste derrière, non, c'est ça ? Oui. Et là, on est en train de trier les châtaignes en fonction du résidu, la quantité de résidu de peau qui reste dessus, pour faciliter le travail ensuite sur l'enlèvement de cette peau. Les châtaignes qui ont plus de peau sont mises dans un bac, celles qui ont moins de peau dans un autre, et ainsi de suite. Et alors, ça fait, c'est un énorme travail, là, c'est un travail de tri, de... Oui, je reviens toujours pareil, rien ne remplace la main de l'homme dans ce niveau, la main et l'œil et la connaissance. Nous, c'est une vraie volonté, c'est pas, il y a des procédés mécaniques, il y a des tas de choses qui existent dans le monde de la châtaigne. Nous, honnêtement, on ne veut pas de ça. On veut absolument, on a des châtaignes originelles qui ne sont pas issues de tri génétique ou de on a nos châtaignes. Elles ont leur qualité et leur gros défaut, c'est qu'elles se pèlent très mal, elles se grattent très mal. Bien, nous, on a pris ça et on en a fait d'un défaut une qualité. Et on dit aujourd'hui, bien, la seule chose qui est capable de compenser ça pour sortir la quintessence même de ces châtaignes, bien, c'est le travail de la main de l'homme. Et aujourd'hui, je crois que tout le monde sait ou tout le monde a su à un moment que rien ne remplace ce travail-là, et que d'un inconvénient, on en fait une grande qualité. Et donc, nous, on estime que cette main est irremplaçable. et surtout la valorisation humaine, plus en plus le côté sympa. On est voilà, toute une petite équipe autour. Et là, tout le monde est sérieux, mais habituellement, voilà, on raconte quelques histoires, on commente l'actualité avec force détail, etc., etc. Donc on recommunautarise un travail qui est un travail de peu, mais qui, au fur et à mesure, eh bien, s'est inscrit il y a des siècles dans l'habitude humaine, qui a été perdu. Et nous, on veut lui redorer le blason économique, c'est-à-dire en dire la seule issue qu'on a face à cette mondialisation, face à ce gigantisme, cette surmécanisation, cette surindustrialisation, c'est de dire eh bien, on va revenir au début et on va travailler avec nos mains, avec nos yeux, avec notre tête, et puis on va sortir des super produits, et c'est ce qu'on est en train de faire, voilà, tout simplement. On n'a rien inventé, on est juste revenu à l'essentiel, c'est-à-dire notre travail manuel et notre patience. Voilà, c'est tout. Ici, au Pays Basque, vous grattez la châtaigne, mais ça se fait dans d'autres régions, vous savez ? Oui, parce qu'on avait eu une fois des Corses qui étaient venus, et le monsieur avait presque pleuré en disant « Oh là là, ça, vous me rappelez ma grand-mère qui, au coin du feu, grattait la châtaigne comme ça. » Donc on sait que ça existait avant. Et ça doit exister aussi sur des petites unités comme les nôtres, où les gens qui transforment la châtaigne grattent aussi à la main. Sur une année, par exemple, là, on va être à 1 milliard de châtaignes, hein, je pense, à quelque chose comme ça, oui. Qui va nous passer et qui passe plusieurs fois dans nos mains, quoi. Hein. Parce qu'elle passe à peu près une dizaine de fois à chaque fois. Donc ce milliard, on le passe une dizaine de fois dans les mains. Le temps de ramasser, le temps de trier, le temps de gratter, de sécher, et voilà. Vous voyez, celle-là, elle est vilaine. On découvre la châtaigne et on sait celle qui va être difficile, pas difficile, celle qui va être qu'il faut trier, qu'on va pas mettre parce qu'elles seront pas bonnes. Voilà, c'est et un sens aussi. On sait qu'il y a un sens pour enlever plus facilement cette peau ou pas. Oui. Ça c'est d'instinct quoi. Et voilà, ça y est, elle est belle, elle est toute jaune. Les moulins, leur première origine, c'était la force animale ou humaine. Hein. On bougeait des meules en pierre, qui n'étaient pas horizontales mais verticales à l'origine, et que par gravité, elles tournaient autour d'un axe, mues par des forces motrices humaines ou animales. Et l'eau et le vent sont arrivés bien après. Donc il y a encore ce qu'on appelle des moulins... essentiellement en Afrique ou au Moyen-Orient, qui sont encore manipulés et manœuvrés par des forces animales. C'est ce qu'on appelle une meule verticale circambulatoire, c'est-à-dire elle tourne sur une chaussée verticale avec un fond de pierre qui sert à moudre et à casser toutes les matières qu'on y met dedans. La force motrice hydraulique ou éolienne sont des choses des temps modernes. Donc on revient au moulin. Le moulin, c'est la meule, pour d'abord essayer de broyer de la matière, puis ensuite, avec la technologie dite moderne, à partir du Moyen-Âge, on a commencé à travailler sur des meules horizontales, et donc en Europe, et avec bien sûr des forces motrices hydrauliques ou éoliennes, plutôt dans les parties de plaine, du centre, du nord de la France et du nord de l'Europe. Donc il y a ce qu'on appelle la transformation primaire, c'est-à-dire on transforme la châtaigne, on la fait sécher, puis on la passe dans ce moulin à des taux d'humidité et des granulométries très précises. Le terme de faire de la farine, c'est microniser la matière. Donc on la rend à un état de micron parfaitement contrôlé. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la transformation de première détente. Et ensuite, on a ce qu'on appelle la transformation de deuxième détente, qui consiste dans notre projet de la châtaigne, de réintégrer cette châtaigne dans un produit prêt à consommer, voilà, sous diverses choses, du chocolat, du pain, toute une variété de produits qui sont prêts à consommer, puisqu'aujourd'hui on est dans un monde avec des habitudes alimentaires où on passe peu de temps à préparer. Donc la châtaigne redevient comme dans d'autres pays, elle est déjà présente depuis très très longtemps. Et la France est restée un peu à l'écart de ça, même beaucoup à l'écart. Il faut faire entrer la châtaigne et lui faire... et la remettre comme un aliment au quotidien et pas simplement autour de la dinde de Noël, etc. Donc non, notre volonté, c'est effectivement de rattraper un peu le temps perdu par rapport aux principaux producteurs de châtaignes au monde, qui ne sont pas les Européens, qui sont les Asiatiques, et qui, eux, ont déjà intégré la châtaigne depuis des centaines et des milliers d'années. Cette châtaigne dans leur alimentation quotidienne et qui l'ont fait évoluer. Et nous sommes restés avec des pratiques un peu moyenâgeuses et on a beaucoup de retard à ce sujet. Donc dans notre tout petit Pays Basque, on va essayer de faire prendre conscience que la châtaigne est un aliment et non pas simplement une petite gâterie saisonnière. Voilà. Alors dans la bière à châtaigne, on a suivi l'exemple de nos insulaires corses. La Pietra est connue dans le monde entier, on peut en faire un peu de publicité. C'est une famille corse qui a lancé ça en 1996, je crois. Elle a développé une bière à la châtaigne, donc on a fait une bière très différente. Notre bière est très artisanale, elle est faite à Skem par Francho Iraola, le plus ancien brasseur du Pays Basque, qui est d'origine souletine, de Lick, et qui a installé sa brasserie à Skem. Et on a élaboré avec lui et un brasseur d'Espelette, Bitior Arobio, on avait élaboré cette première bière à la châtaigne qui a quasiment 2 ans d'existence. Et on a voulu une bière très haut de gamme à base de semoule de châtaigne et de fermentation de bière classique. Donc on a une bière qui s'appelle Mardocha et qui est une vraie bière à la châtaigne avec un process de fermentation avec la châtaigne très présente puisqu'elle est faite avec de la semoule et des châtaignes que vous avez vu gratter là. Châtaigne sous vide, fromage semoulé à la châtaigne, mais aussi du miel de pollinisation, à savoir qu'on a travaillé sur cette année à titre expérimental avec un apiculteur. Le châtaignier a besoin d'insectes pollinisateurs pour polliniser puisqu'il a sa fleur qui apparaît après sa feuille. C'est le seul arbre qui est dans ce cas de figure, le seul arbre qui produit des fruits comestibles. Eh bien, donc, la présence des insectes pollinisateurs, bourdons, abeilles et autres, sont indispensables à la bonne mise à fruit de ces arbres. Et on a travaillé avec un apiculteur de Lambar, sous le terme Beotegui de la Pecoborda. Et donc, on a installé un rucher expérimental sur un verger de châtaignier qu'on ira voir. Et ça a été une très très belle réussite, puisque... on a vu apparaître un miel 100% châtaignier et sur lequel on est en train de travailler. Donc c'est aussi tout un travail là aussi de terrain qui est indispensable. C'est pas simplement la récolte, c'est aussi la récupération de tout ce patrimoine arboricole qui existe et qui est indispensable. Bien sûr, les insectes pollinisateurs sont en première ligne pour ça. Voilà, et ils nous aident bien. Alors, je vais faire court, même si ce n'est pas dans mes habitudes. On va distinguer deux variétés. La châtaigne, c'est Castanea sativa, donc c'est l'espèce botanique européenne. Le marron d'Inde, que tout le monde connaît, c'est Ascaleus hippocastanum. C'est ce qu'on appelle la châtaigne des chevaux, mais qui n'est pas comestible pour l'homme. Donc ça, on va parler de botanique. Maintenant, l'appellation marron, elle est gastronomique, à savoir que Colbert, qui est le ministre de Louis XIV, Louis XIV étant mort en 1715, donc c'est la fin du XVIIe siècle. Colbert, ministre des Finances, faisait venir force diligence et force argent les marrons glacés de la ville de Colobrière dans le Var, où il y avait une forte habitude de faire les meilleurs marrons glacés d'Europe. Donc à la table de Colbert, on mangeait non pas des châtaignes qui étaient le fruit du peuple, mais des marrons bien sûr, puisque c'était des grosses châtaignes à amande unique. Et en fait, l'appellation gastronomique qui est devenue crème de marron, dinde au marron et autres, marron glacé, eh bien c'est de la châtaigne qui est un fruit à amande unique. Il n'y a pas de cloison à l'intérieur, c'est le fruit qui a été anobli, on va dire, par le ministre de Louis XIV et qui ne pouvait pas appeler ça des châtaignes. Donc rassurez-vous, ce n'est pas le marron qui n'est pas comestible, c'est le marron gastronomique qui a changé d'appellation parce que, bon, monsieur, on a un oubli, mais ça reste bien sûr de la châtaigne. On est parti ? On est parti. On est parti. En plus, on est accompagné par... C'était l'ours et la carotte. Écoutable sur Internet.